بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي أخذنا أحكام الأفعال وذكرنا أن الأفعال ثلاث أقسام. ما هي؟ ماضي ومضارع وأمر. نعم. ثم تكلمنا فيما يتعلق بالإعراب والبناء. Et on avait dit quoi par rapport au fi'l ماضي؟ ماضي مبني. مبني. Combien de hal il a ? Trois. Ma hiya ? Yumna al fatha wal dam wal al fath wal dam. Wa sukun. Al fath mata ? Quand est-ce qu'il est من al fath ? Idha lam yattasil bi akhir shay aw idha yattasil yattasil yattasara yattasara. Idha kana sahih al akhir. Vas-y, dis ce que t'as. Là, là, c'est pas un short. Hein? C'est pas un short, ça sahih al-akhir. Même mortel al-akhir, il rentre dedans. C'est pas un short. Il y a un qui soit. Il y a un qui soit. Il y a alif al-tahniya ou al-ta'tahniya. Non. Ça, c'est al-fath. Ou al-dham, mata. نعم 16 اول جماعة ايه السكون اتصل عليه تاء الفاعل تاء تي تو نعم او ناء فاعلين نعم او نون تثنية كما نعرف الناس نعم الناس كنا نقول également نون نسوة. طيب ثم الامر سي كوا لا ري كنا قيل الامر الأمر يمنع على ما يلزم به في المضارع. نعم. كل مبني سيقول مجزوم بالمضارع. هذه العقل قاعدة عامة. إيه في المضارع؟ على المضارع قد يكون مبني وقد يكون معرب. تمام. في الغريب هو معرب. معرب. طيب والبناء يكون متى؟ إذا اتصل عليه. إذا اتصل به. إذا اتصل به نون التوكيد. نون التوكيد. اللي بيبني أكوا في مولا. فتحة. فتحة. إذا اتصل به نون الإناث. نعم. بيبني أكوا. سكون. وإذا لا بيتصل به. معرب نعم أحسنت. فكم شيء ضروري كسي معلومات لا رست avec toi تماما. Tout ça, tout le reste est bâti là-dessus. Si c'est pas متقن avec le طالب ces معلومات لا, le باقي il va se fatiguer d'une fatigue يعني qui peut le faire amener jusqu'à abandonner. Beaucoup, ils ont dit le nahou, c'est dur parce que ce bab-là, ils n'ont pas maîtrisé. Alamat al-i'rab wa al-i'rab wa al-bina. Ça, c'est le cœur, comme je dis, du nahou. Si c'est maîtrisé, le reste, inshallah, tamshi alayhi. Ama, si ça, c'est pas maîtrisé, tout le reste, tu vas t'emmêler les pinceaux, comme on dit. Tu vas t'empêtrer, tu vas, et au final, on les abandonne. À cause de ça. Donc, c'est un truc qui t'a répété. Écrire, répéter, interroger, sans que ça rentre bien que dans l'esprit. Taïb. Donc après qu'on ait pris ces choses-là, ça nous a sil fimada. Maintenant, qu'on a appris que le fir modalia, le os, qu'il est marfou, on va apprendre quand est-ce qu'il est mansoub ou majdoum. On va commencer par les nawasib. Nawasib sont les agents du nasb. Qui sont-ils? Taïb. Quand est-ce qu'on les reconnaît? Pour savoir que le fi'l est le mansoub. Et l'yom sanakhouz, juz'an min hada. À la base, c'est un bab les kassir, mais si je te mets tout d'un coup, j'ai peur que ça fasse beaucoup d'un coup. On va prendre une petite partie, rouaïdan, rouaïdan, inshallah. Faqala, nawasib en mudali'a. Nawasib, c'est le djem de nasib. C'est-à-dire, amil en nasib. فقال في المتن. في ساء هو في المضارع فقط. تقع. العمل دي نصب الجزم في المضارع فقط. كان يكلك معرب. لا سيدي عربات سا. قال المصنف أي في الجرمية فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولم كي ولم الجحود حتى وجواب بالفاء والواو وأو donc les voicités qui sont النواصب qui sont de 10 qui sont أن لن إذن كي لم كي لم الجحود حتى et la réponse qui vient avec le فاء fait salabia ou ma'iya el waw kazalik wa aw donc ça ce sont les nawasib après il y a un tafsil dans ces nawasib قال الاصل في النصب في النصب المضارع ان يكون بالفتحه وينوب عنها حذف النون في الافعال الخمسه donc la base dans le nasb في المنصوب c'est quoi Il est mansoub, il fatha. Et c'est quoi qui sort de la base? Asma al-Khamsa qui sont... Asma al-Khamsa qui eux sont mansoub et alamatu nasbiha hasf al-Nun. Après, c'est nawasib في الحقيقة se divise en deux sortes. Le nasib qui est nasib de lui-même من نفسه والنصيب الذي ينصب بأن منمرة c'est-à-dire celui qui fait un travail de nasb et en réalité c'est pas lui le amil c'est un أن qui est caché. فاليوم سنأخذ التي هي تعمل بنفسها Nasib qui sont eux-mêmes des nawasib de eux-mêmes. Et Aden, inshallah, nakhouz, allati tansib bi an mudmara. Qala. Et ils sont de quatre. Awalan an. An nahouku lillahi ta'ala yuridu allahu an yukhafifa ankum. Donc an. C'est parmi les nawasib. Masmu an, harf, nasb, wa masdar, wa istiqbal. Harf, nasbin, wa masdarin, wa istiqbalin. C'est-à-dire que ce harf, il vient pourquoi? Faire la jonction entre deux verbes. Wa ma'ana nasb, car il fait un travail de nasb. Le fi'l qui vient derrière, les mansab. Masdar, pourquoi? Lien al fi'l, alladhi. يدخل عليه هذا الفعل يؤول بمصدره ومستقبل لأن المعنى يعني المعنى في الكلام يكون في المستقبل ان quand il y a dans un verbe ce verbe on l'interprète par son masdar et le sens a un sens du futur مثلا le verset dit يريد الله ان يخفف عنكم شاهد ان يخفف qui veut minimiser pour vous. C'est quoi le ta'wil en réalité? Yuridullahu at-takhfifa ankum. At-takhfifa ankum. Yani yukhaffif, tu l'interprètes par son masdar quand an y rentre dedans. Maintenant je te dis uridu an tajlisa. Ma ma'na kalami uridu julusak. D'accord? Donc là on voit que le verbe il est interprété par son masdar. Et en plus, si je te dis « Uridu an tajlisa », ma ma'na hadha, annaka ghayr jalis al-an. T'es pas assis maintenant. Donc c'est quoi? Le mustaqbal. Yani bat kalami. C'est pour ça que ce harf, il a été appelé harf, nasb, masdar ou istiqbal. Fahimta hadha? Taïb. Donc le fi'l qui vient derrière an, il est mansoub. Alamatu nasbi, imma al-fatha, ou imma hasan nun. Ça dépend du verbe. Ça c'est l'awwal. Et c'est le principal. An. Il y a Oum el-Bab. An, c'est Oum el-Bab dans les Nawasib. Attention, c'est pas tout N qui rentre là-dedans. T'as d'autres N qui font notre travail. T'as d'autres N qui font notre travail. ثم قال الثاني لن نحوك لله تعالى ولن يخلف الله وحده ولن يخلف الله وعده قال الشاهد لن يخلف لن c'est quoi حرف نصب والنفي واستقبال C'est un harf al-nasb, donc le verbe qui vient d'ailleurs est mansoub. Nafi, qui a sa source de nafi. Lakin mata ahda al-nafi, fi l'istiqbal, dans le futur. Beaucoup de gens, y'a l'hanoun, y'a kouloun, ma sa afhal kada. Tasma kathiran, hada khata. Fi l'ouga l'arabe, ma yudid ma sa afhal. Tu dis l'an afhal. Tu dis pas ma dans le nafi, après sin, harf al-istiqbal, après le verbe. Ça donne ma sa ajlis, ma sa akoul. Ou ma sa akul, ou ma sa anam la, c'est quand tu dis l'en ajlisa, l'en akula, ou l'en anam. Et ça on dit. Et maintenant c'est courant chez les gens, ma sa afhal. Ma sa a, ou ma sa oufa a, kada kada. Adhaï ma yujad. Même si tu l'entends, c'est pas fosha. C'est pas du fosha. Donc l'en, il a dakhala la fiel, non sabah. Bi nafsi. Oui, bi nafsi. Donc là, yukhrifa, ça fait que mansoub. Mansoub bi esh? Len. Dit, fir, mansoub, bi len, waramatu nasbihi, al-fatha, al-zahira, al-akhiri. Al-thalif, le troisième. Idhan. Idhan. Ça peut, yani harf nasb, wajaza. Yakul, nahuku lika, idhan ukrimaka, jawaban liman kala, uridu an azurak. Donc, à l'endroit, on va dire comment ? Ana kullak, ya Sofiane, uridu an azurak. Je vais te visiter. Echta kullienta, idhan ukrimak. Donc, je vais t'honorer. Yani, idhan, tarjam bil, donc, en général. Fi yusamma, harf, nasb, wa, jaza. Je sais pas si on dit mustaqbal également. Hmm ? إذا جاء بالشروط الشروط إذا أن يأتي جوابا لكلام سابق ça vient dans une réponse d'une parole qui l'a précédé pour qu'il y ait un kalam devant parce que des fois إذا il vient tout seul il n'est pas annoncé جوابا لكلام سابق أن يأتي جوابا لكلام سابق واسي بيان صحيح حرف نفي حرف جواب وجزا بيتو حرف جواب وجزا سمع كذا بل حرف نصب جواب وجزاء il faut que le sens il soit dans le mustaqbal une action qui n'est pas encore eu lieu d'accord donc ce idhan doit tomber quand en milieu de phrase il doit avoir un sens d'istiqbal dans le futur quand tu dis idhan au climax c'est à dire que tu l'as pas encore fait ça ستكرمه بعدين لكذلك faut pas qu'il y ait de choses qui soient intervenues entre idhan et son verbe يعني ياتي الفعل مباشره بعد idhan بس les شروط pour que idhan يعمل اقول لك مثلا اريد أن أذهب إلى اليمن. Je vais au Yémen. واحد يقول لك إذن أصاحبك. Alors je vais avec toi. ما معنى هذا؟ Donc je vais avec toi. يعني سيكون متى؟ في المستقبل. Ils ne sont pas encore arrêtés. إذن il est venu quand؟ في أثناء الكلام جوابا لكن il est pas venu en début de phrase directement il est venu au milieu de phrase dans la réponse l'un il a dit une parole l'autre il a dit une réponse l'autre il a dit je veux aller au Yémen l'autre il a dit donc je veux venir avec toi c'est la réponse de l'autre kalam quand on dit réponse c'est pas une question qu'il y a eu avant c'est une suite en fait une conséquence on va dire comme ça du kalam précédent tu commences le kalam voilà tu dis pas even anem c'est quoi la munasaba c'est pas un kalam mufid c'est pas une jumla mufida il faut une cause devant. Donc, quelqu'un dit, intakoum, après il s'arrête. Si tu te lèves, après il s'arrête. On dit, c'est pas quel est mon fil. Wa arabi' kay. Arabi' kay. Et kay, avec adhalik. Harf, nazd, wa mazdar. Nahuku lillahi ta'ala. وَرَدَدْنَاهُ إِلَيْهُمِّهِ كَيْ تَكَرَّ عَيْنُهَا يعني nous l'avons envoyé à sa mère pour que son œil se réjouisse. Donc كَيْ هَذَا c'est un sens de ta'lil et de masdar. مَا مَعْنَا هَذَا أَنَا الْفِيَلْ يُؤَوَّلْ بِمَصْدَرْ wa yatil illa une cause salana kullak utlu bil ilma kay tafham yani kay tafhama ad din kay tafhama ad din étudie la religion pour que tu comprennes étudie la science afin pour que tu comprennes la religion. يعني كي يتم التعليل يعني pour une raison. الفعل يؤول بالمصدر كذلك. Tu l'interprètes par son مصدر. Et مثلا اذا تقول كي تفهم الدين معنى لفهمك الدين. لفهمك الدين. يعني التعليل c'est quoi un تعليل une cause pour telle chose. كي تفهم الدين اي لفهمك الدين c'est pour ça que tu peux dire كي tu peux dire لكي on va le prendre في وقت آخر لكي tu peux dire كي tout seul tu peux dire لكي اطلب العلم كي تفهم الدين on peut dire اطلب العلم لكي تفهم الدين les deux والمعنى واحد معناهما واحد Donc là, c'est quatre lettres là qu'on a pris. Quatre حروف. تنصيب الفعل المضارع بنفسها. Il n'y a rien qui est مضمر. Il n'y a pas d'un مضمر. Un, ينصب من نفسه. لن, ينصب من نفسه. إذن, ينصب من نفسه. وكي, ينصب من نفسه. D'accord ? Les autres comprendra, Inch'Allah, غدا. تنصب ب un munmara, un qui est caché. Et le un, c'est le premier qu'on a pris. En fait, c'est lui qui fait tout le travail avec les autres. Et quand yakun munmara wujuban, il est caché obligatoirement. Quand yakun jawazan, on a le droit de le faire ressortir. Aada tafsil, sana khudu fi dars qadim. Fa aïd ma yal nawasib, al arba' hadhi. An. إذن مثال مع الأسماء الخمسة مثلاً tu parles à deux personnes tu dis أريد أن تجلس فتجلس فير مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حرف النون comment tu peux dire أريد أن تجلسوا أي أنتم نفس إعراب تمام maintenant مع لن تقول لشخصين اثنين deux personnes tu leur dis لن تذهبا الى هناك n'allez pas là-bas ou plutôt vous n'irez pas là-bas c'est mieux ouais vous n'irez pas là-bas طيب لن تذهبا الى هناك vous n'irez pas là-bas مثال بإذن مع الأسماء الفعلية خمسة اللي فوق تشجيع أسماء خمسة سباق الليسان تشجيع أفعالي خمسة تشجيع غدا سنزور زيدا وعمرا demain on va visiter زيد وعمر إن شاء الله تشجيع إذن سيكرماكم سيكرماكم سيجيع donc c'est-à-dire eux deux vous n'auront ça y ukrimakum à la base y ukrimani là on a enlevé hein حذف النون لماذا منصوب وعلامة نصبه حذف النون طيب ومثال آخر مع كي le même qu'on a pris tout à l'heure اقول لكم مثلا يا أيها المسلمون اطلبوا العلم كي تفهموا دينكم donc là كي تفهموا تفهموا منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون هذا فهمت هذا donc ركز bien sur ces quatre là وغدا ناخذ الباقي ils sont un peu plus subtils ces quatre là sont les نواصب التي تنصب بنفسها après il y a un khilaf dans les mazahib on voit que les 10 تنصب بنفسها chez les basriyin les kufiyoun eux là dessus ils ont raison ils disent non هذه أربعة تنصب بنفسها والستة الأخرى تنصب بأن منمرة عفوا سي العكس سي لي بصريون كي ديز كو كاتر أجيز أون إل ميم إي لي سيز أوتر ont un munmara. Et les Koufiyoun, eux, ils disent, non, les 10, elles agissent. Et le Mu'allif, Ibn Ajroum, il suit les Koufiyoun. C'est pour ça que beaucoup de ces ibarats, c'est les Koufiyoun. El-Khafd, c'est l'ibarat des Koufiyoun. Le fait de dire que le film Amr al-Majjoum, Abadan, c'est chez les Koufiyoun. Le fait qu'ils disent dans le matn, El-Nawasib Ashara, ça c'est cool des Koufiyoun. Yakhtalifoun, dans le style Ahad, mais le travail, c'est le même, au final. Le travail, au final, c'est le même. فهمت هذا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.